J'ai arrosé le chat, puis j'ai donné à manger à nos hortensias qui sont maintenant fanées. J'ai fourré une pizza dans le magnétoscope. Finalement, j'ai mangé une moitié de pain. Je me mets à sortir la nuit. Je me termine dans des bars. J'y reste beaucoup trop tard. Parfois même je me bats. Et souvent je me blesse. Je fais n'importe quoi. Depuis que t'as foutu le camp, je m'en vais n'importe où, je reviens n'importe quand, je vis n'importe comment. Depuis que t'as foutu le camp, je me suis cogné la tête, pris les pieds dans le tapis. Je veux rester sous la couette, que le monde m'oublie. Je voudrais un mot d'excuse pour pas aller bosser, mener une vie recluse si t'es pas à mes côtés. Je vis n'importe comment. Foutu le camp, je m'en vais n'importe où, je reviens n'importe quand, je vis n'importe comment. Depuis que t'as foutu le camp. Je vis n'importe comment, depuis que t'as foutu le camp.